Bon, avant de mettre la dernière vidéo en ligne, j'ai eu le malheur de l'écouter. Puis je devrais jamais faire ça parce que quand j'écoute quelque chose comme ça, je vois tout le temps des précisions à apporter. J'ai osé parler des lois psychologiques de l'âme, mais en fait, les lois psychologiques, ça, c'est l'ego dans l'âme. Donc, je considérais qu'il faut apporter une précision par rapport à ça. Pourquoi il était dit que l'âme est immortelle? Parce que l'âme est immortelle. Pourquoi? Parce que elle est toujours attachée à un espace et un temps. Et puis elle devient mémoire, elle devient archive. Mais elle n'est pas éternelle. L'esprit est un principe éternel. Pourquoi? Parce que c'est une source en dehors du temps et de l'espace, mais qui peut se diffuser à travers. C'est pour ça ce qu'on peut dire un principe, si on peut dire d'émanation. Mais l'âme, elle, est toujours attachée à du spatio-temporel, quand bien même ce serait hyperbolique en tant qu'archive. Mais une fois qu'elle a accompli son travail, si on peut dire, et qu'il y a certaines choses au niveau expérimental qui ont été intégrées, oui, ou si elle devient inutile, oui, des âmes peuvent être détruites. Moi, à mes yeux, des âmes peuvent être détruites et des âmes seront détruites. C'est pour ça qu'il a été question dans le passé d'une façon déformée de sauver des âmes, de les fusionner avec l'esprit pour qu'elles deviennent éternelles. Parce que l'âme est immortelle, elle n'est pas éternelle. En tout cas, en principe, de ce que ça me dit à moi. Donc, c'était juste une petite précision. L'ego, lui, est mortel. L'âme est immortelle. L'esprit est éternel. C'est-tu clair? Bye.